le désir se tentait avec un éclat métallique et sur cette étrange musique les dingueries se levaient. Dans vos deux bas calait le train et les guitares forcenées grinçaient sous des mains obstinées et mes chansons et mes refrains mais mes chansons Oh, 这里是歌舞剧场，感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。